On a analysé les résultats hier, évidemment, avec François-Olivier Roberge. Et là, maintenant, on va parler avec Marie-Anne Saint-Gelin, puisqu'elle a remporté une victoire en fin de semaine. Mais ça n'a pas été nécessairement facile. On lui parle. Salut, Marie. Salut. Marie, j'ai raison de dire que ça n'a pas été nécessairement facile. Hein? La semaine passée, je t'écoutais au 98.5 avec Mario Langlois dire que les jeunes poussent, ça pousse, puis ça devient plus difficile. Puis effectivement, Kim Boutin t'a forcé pas mal. Ben, ça n'a jamais été facile. Je pense que c'est les gens qui disent que c'est facile à ma place parce que moi, même si ça fait quelques années que je domine au niveau canadien, ça s'est jamais fait de façon facile. Je savais avec l'arrivée de Kim qui avait démontré dans les dernières années quand même une certaine force. Puis exactement là, je pense que ce qui arrive avec Kim en ce moment, c'est pas anodin. Elle s'entraîne fort, elle travaille bien, elle a pris la pause nécessaire aussi pour se remettre sur le droit chemin. Puis ça fait que toute l'équipe en bénéficie dans le fond parce que c'est sûr que pour moi, c'est une bonne adversaire de taille. Puis ça nous pratique l'une et l'autre à nos courses internationales qui sont nettement plus importantes que les sélections canadiennes. OK. Sens-tu que, Marie, que les patineuses, au fil des années, ça fait quand même depuis quoi, 2009 que tu es avec l'équipe canadienne? Penses-tu, vrai, ça fait déjà 8 ans, que l'équipe, ça s'est amélioré beaucoup le patinage de vitesse? Tu le vois là, présentement, là, il y a quand même, tu sais, au début, c'était les Kalina Roberge qui étaient avec toi, c'était les Tania Vincent, mais là, maintenant, c'est les Kim Boutin et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu penses que toute la structure qu'on a mise en place, les patineurs et patineuses s'améliorent continuellement? Je suis arrivée en 2007, donc ça va faire 10 ans cette Ah, année que déjà je 10 suis ans, au ok, Centre c'est bon. national. D'accord, Ouais, encore pire, encore plus. mais tu sais, oui, là, plus circuit international, ça va faire 8 ans, peut-être, que je suis Ouais. avec l'équipe. Mais, ben oui, c'est sûr que je trouve qu'avec l'équipe féminine, ce qui est bon, c'est qu'en ce moment, on remonte la pente. On a eu quand même un creux là, dans les dernières saisons où, ben, en fait, j'étais une des seules à remporter des médailles internationales, puis ça, depuis quelques années. On se débrouillait bien côté relais, mais individuel, c'était plus difficile. On avait quelques médailles de certains côtés, mais on n'avait aucune stabilité. T'sais, même t'sais, moi, les premières années, il n'y avait aucune stabilité. T'sais. On était beaucoup en recherche encore de force. On essaie de se créer vraiment là, une équipe. Puis là, je pense que ça l'arrive. Ça l'arrive tranquillement avec, oui, les vétérans qui sont vraiment bien ancrés à le poste de vétérans. Mais aussi les jeunes qui prennent justement de cette maturité-là puis qui s'en viennent nous rejoindre. Fait que oui, là, l'équipe commence vraiment à être intéressante. Puis je trouve que ça commence à ressembler à ce qu'on avait pour 2010. OK. L'équipe de Vancouver 2010, vraiment, on avait des vétérans qui étaient ancrés, qui étaient vraiment régulières sur le circuit des Coupes du Monde. Puis on avait nous autres, les plus jeunes, qui arrivaient puis qui faisaient leur place puis qui apprenaient de ceux-là. Ben en ce moment, je trouve qu'on est dans cette même fougue-là puis dans cette même vague-là. OK. Comment qu'on fait pour se motiver toujours à faire des courses? Je t'écoutais justement à la même entrevue, tu disais, c'est pas nécessairement des compétitions qu'on aime, mais c'est un passage comme obligé, hein? C'est ça que c'est un peu ça, puis c'est de même qu'on se motive, quoi. Ben, on n'a pas le choix exactement. C'est sûr Ouais. que oui, la compétition, pour que les gens comprennent un petit peu, c'est que c'est une compétition qu'on fait contre les personnes avec qui on s'entraîne à tous les jours. Fait que c'est un, très difficile de causer la surprise parce qu'on se connaît de A à Z. Puis deux, faut mettre en place des stratégies contre nos coéquipières. Fait que c'est pas nécessairement contre elles qu'on veut se battre, c'est contre les autres à l'international. Fait que la compétition, elle devient très difficile. Alors, on a nos favoris, on a des filles avec qui on sait que ça fonctionne bien, puis on sait qu'ils se sont entraînés fort, puis on veut que ça fonctionne bien pour elles. Fait que la compétition est crève-cœur à cause de ça, mais en même temps, ça fait partie de la game, exactement comme tu dis. C'est pas parce que tu as des résultats internationaux, que tu as des médailles olympiques, que tu vas outre les sélections. Puis en même temps, ben, je pense que c'est un bon défi. C'est un bon stress qu'on a en fait à l'approche de ces sélections-là. Puis je pense que c'est une bonne pratique à ce qui s'en vient plus tard, mais ça reste un incontournable. On n'a pas le choix. On en a deux à faire. Au minimum, on en a deux. Fait que on n'a pas le choix. OK. Parle-moi maintenant des objectifs en deuxième moitié de saison. J'imagine que, bon, c'est le championnat finalement. L'an passé, je pense, si je me rappelle bien, tu avais gagné une médaille. C'est de conserver ça parce que là ça s'en vient, là, le championnat du monde. C'est toujours en mars généralement. Exactement, à la mi-mars encore, du 10 au 12 mars, on va quitter pour Rotterdam, aux Pays-Bas. Puis OK. l'objectif est le même que l'année passée, d'aller chercher un titre de championne du monde sur une distance. Puis j'y vais pour le overall aussi. J'ai encore des petits trucs à peaufiner. Je l'ai vu en fin de semaine, justement, avec les sélections. Puis, je m'enligne de la même façon que l'année passée, avec la même attitude. Je pense que je peux faire des belles courses. Puis, j'espère que, encore une fois, tout va être aligné puis que ça va bien se passer. C'est quoi tu dis que j'ai à travailler sur certains aspects? C'est sur le dépassement? C'est sur les stratégies, quoi? Oui, principalement mes stratégies de course, mes tracés de dépassement, tout ça, là, j'ai une bonne vitesse, physiquement, je suis à point, il n'y a aucun problème avec ça, mais vraiment, comment peaufiner justement l'approche d'un dépassement, calculer mes distances aussi pour que le dépassement soit bien réussi, tout ça, là. Fait que tactiquement, là, j'ai encore beaucoup de travail à faire. OK. Hey, j'ai vu dans le journal, c'était pas dans le journal à Potin, après les Olympiques, c'est le petit bébé finalement. Est-ce que le fait que Marjorie, ben, je pense que ça fait longtemps que c'est prévu, là. Mais le fait que Marjorie a eu un enfant, c'est ta sœur, est-ce que ça t'a donné encore plus le goût? Ben, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on est prêts, Charles et moi, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble en mars, donc c'est sûr que c'est des choses que ça fait déjà quelques années qu'on discute, mais le patin reste une priorité, puis pour l'instant, c'est pas dans les plans. Mais oui, c'est certain qu'après les Jeux, comme moi, je pense que ma carrière va se terminer rapidement après les Jeux. Ben, je pense qu'on, dépendamment de ce qui va arriver aussi, la famille va vouloir s'agrandir assez rapidement. Bon, vu l'âge aussi de Charles, qui aura 33 ans, fait qu'on voudra pas non plus trop attendre. Mais c'est certain, avec l'arrivée de notre filleule, en fait, l'hiver dans la famille, ben là, c'est certain que le côté maternel ressort un petit peu. Puis le frère de Charles aussi vient nous annoncer qu'il sera papa au mois de juillet. Donc là, vraiment, les petits bébés commencent à pleuvoir au bout de nous. Puis c'est certain que ça commence à nous tenter aussi, nous autres. Mais de toute façon, c'était déjà planifié. Hey, on va y parler tantôt, Catherine, finalement, première grosse compétition internationale. Ça nous fait plaisir. C'est que ça fait à Sœurette de voir que Catherine s'en va à une compétition. C'est quelque chose. On est une famille fière. Et en ce moment, c'est sûr que je suis une grande sœur vraiment fière. Catherine, elle a toujours eu des qualités exceptionnelles en patin de vitesse. Puis ça a été une de mes plus grandes déceptions de jamais pouvoir partager une course avec elle, niveau canadien, même niveau international. Mais vraiment, elle a retrouvé quelque chose qu'elle aimait faire, puis c'est ça qui est important. Le CrossFit, ça l'a amené à dépasser ses limites, puis c'est sans contester la femme la plus forte de la famille, autant physique que mentale, je veux dire, elle va pouvoir vous en parler. Elle a défoncé des barrières avec cette compétition-là internationale, vraiment, là, surtout au niveau à elle, là, ça l'a vraiment défoncé des choses qu'elle pensait jamais être capable de réaliser. Fait que c'est vraiment le fun qu'elle soit retrouvée quelque chose qui la motive, puis qui redonne goût de retourner en compétition. Là. Ouais. Ben Marianne, un gros, gros plaisir. On se reparle après la compétition des Coupes du Monde. Ben merci beaucoup. Marianne Saint-Gelais, notre passionneuse de vitesse.